Eh bien, malgré le fait qu'officiellement ce soit l'automne, ça la semble très difficile à croire. Enfin, il fait tellement chaud que l'été a honte d'elle-même. Mais n'ayez crainte, cela ne durera pas. Et votre bon docteur a évidemment un remède très efficace à vos conditions de bien-être en ébullition. Et cette solution se nomme une bonne douche froide de métal glacial. Après ça, l'Ordre des médecins dira que je vais à l'encontre de l'éthique et que mes procédés sont plus que discutables. Ce à quoi je répondrai, il est possible que ma façon de faire soit parfois peu traditionnelle, mais moi, je peux me vanter d'être facilement accessible et toujours disponible lorsque cela concerne la vie de mes patients. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il est question de vie. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go. Shut up! London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't see me at all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the river. You'll soon shake the fear, and never knowing if I'm here. I'm flying and shameless, nocturnal and nameless, except for the river. Or if you like, check the night. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation et dernière de septembre, puisque nous sommes le 26 de l'an de disgrâce 2017. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Ah, ben oui. Désolé, Ras, tu seras là aussi. Incroyable. Dis, c'est pas ce que je vais faire avec toi, honnêtement. Non, j'ai rien dit. OK, désolé. Je vais faire plein de trucs avec toi. Ce soir, c'est la dernière émission du mois, comme je le disais. Donc, c'est une édition qui a aussi une portion d'album marquant. C'est-à-dire que un peu plus tard dans l'émission, peut-être dans une trentaine de minutes environ, voire plus selon mon humeur, je vous présenterai l'album marquant de ce mois-ci qui s'adresse aux Québécois de Oblivion. Bon, mettant Cyber Void. On vient d'entendre, avant cette première intervention, la formation britannique Venom dans une version, je dirais, très abrégée de l'original, puisqu'il ne reste que Kronos, membre original de la formation. Kronos, qui est là depuis 1979, Conrad Thomas Land, de son vrai nom, qui aujourd'hui s'accompagne de deux autres acolytes qui sont respectivement Rage et Dante. Dante à la batterie et Rage à la guitare. Et je sais pas lequel est lequel, il faudrait que je vérifie là. Ah ben voilà, c'est ça. Rage est foncièrement laid. parce qu'il faut savoir que Venom, il y a une deuxième version maintenant qui s'appelle Venom Inc., comme Incorporated bien sûr, qui cette fois-ci met en scène les deux autres membres originaux de Venom, soit Abaddon et Mantas, qui sont aussi guitaristes et batteurs ou drummers, si vous préférez, bien entendu, qui ont sorti un album qui s'appelle AV, et que je n'ai pas eu, j'ai pas eu le loisir, j'ai tout simplement pas pensé de diffuser ici. À réanimation, quoique c'est une vieillerie, comme on dirait reclassique, ça a plus qu'une demi-heure, donc c'est une très vieillerie. Mais je me propose de le faire dans les peut-être prochaines émissions, oui, c'est à voir, parce que c'est quand même assez intéressant. Rockmaster l'a présenté ici, une émission de reclassique, et ça se défend très bien, Venom Inc. Juste avant, nous avions Slayer, bien sûr, que vous aurez probablement tous, ou du moins je l'espère, reconnu, et la pièce Gemini, qu'on retrouve, c'est la seule pièce originale qu'on retrouve sur l'album qui est paru le 28 mai 96, soit Undisputed Attitude, c'est le septième, pas original, puisque à 99%, là, il contient que des reprises, et principalement de groupes punk que les membres de Slayer ont dû apprécier, je suppose, pour prendre la peine d'en faire des reprises. Moi, personnellement, une ou deux pièces que je trouve intéressantes, là, au niveau de ces dites reprises, mais c'est pas un album. C'est un album que j'ai par acquis de conscience pour dire que j'ai tous les Slayer, mais ça s'arrête à peu près là. Et là, ouvert avec Jack the Ripper, effectivement, Judas Priest, et une version de The Ripper qui est tirée de l'album en spécial. Bon, il est peut-être en spécial aujourd'hui, je sais pas. En spectacle. Un album en spécial chez Walmart à 99 cents aux côtés de ceux de... Comment ça s'appelle déjà celle-là? En tout cas, c'est pas grave. Marie-Hélène Thibault, voilà. Un album de 79 en spectacle, Unleashed in the East. Je ne le dirai jamais assez, cet album-là fait partie des albums extraordinaires en spectacle. De tous les temps. C'est vraiment un album très, très, très représentatif de ce que Priest était, bien entendu, mais aussi de très bonne qualité au niveau des enregistrements, de la restitution audio, ce qui était très rare. Même à l'époque, c'était encore très rare d'avoir quelque chose d'aussi de qualité que ça. Et même à l'occasion, aujourd'hui, on a des trucs là, qui sont... mais quoi qu'il en soit, Unleashed, c'est un très bon album. 19h23. Bon, là, je regarde ça vite fait. Blablabla. Ouais, ben, je pense qu'on va à la musique tout de suite. Tout de suite, on fera la pause au retour sur un bloc relativement court dans lequel on va entendre Asphyx, Immolation, une pièce tirée du relativement rare AP Providence, ainsi qu'à l'instant la formation américaine Abysmal Down. Et évidemment, ce n'est pas de la musique de chambre, ou plutôt, oui, de torture. Twilight's Fallen, let's go. 19h39, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, en ma délicieuse compagnie, et dois-je le dire, celle de... Il y a toujours le même discours, Horace, hein? On peut dire que ton vocabulaire est assez restreint, finalement. Oui, moi, c'est ça, le Dr. Pain Pendragon, je suis avec vous jusqu'à 21h. On vient d'entendre la formation Asphyx, formation des Pays-Bas, et le vocal très particulier de Martin Van Dronen. Un vocal qui me charme beaucoup, dois-je dire, et je crois que nous sommes peut-être dans le petit cercle de gens que je connais, une minorité, ma blonde et moi, aimer son vocal, parce qu'il y a une voix qui frise l'éraillement, hein? Mais moi, j'aime beaucoup sa voix. Van Dronen, il l'a prouvé avec Asphyx et aussi de façon plus courte avec Ales of Bullet, de qui il ne fait plus partie. C'était la pièce It Came From the Skies, non pas à confondre avec la pièce de CCR, qui est très bonne aussi. Pièce tirée de Incoming Death, qui est parue le 30 septembre 2016 sur Century Media. C'était leur 9e album. Juste avant, nous avions une formation death metal pour laquelle j'ai le plus grand respect, Molation, formation de New York, et la pièce Twilight Fallen, que l'on retrouve sur le EP, le mini-album Providence, qui est paru en 2011, si je ne m'abuse. Je vais aller vérifier comme ça, là. Je vais le raconter. 2011, effectivement, oui, c'est ça. un 11 octobre, ben, un 11 octobre du 2011, c'est ça, oui, voilà, il y en avait eu peut-être plusieurs, comme je disais la semaine dernière, sur étiquette Scion, Scion Audio, ceux-là même qui produisent aussi des voitures. C'était leur 10e parution studio, tout confondu, si on veut. Et moi, Immolation, je trouve que c'est un... vous avez remarqué, c'est assez original. On retrouve quand même quelque chose qui, si ce n'est pas vraiment cela, ça ressemble beaucoup à du violoncelle. Que c'est minimaliste, mais du violoncelle dans un groupe death metal, on retrouve pas ça à tous les albums. Juste avant, nous avions Abysmal Down, une autre formation américaine. Abysmal Down qui existe depuis 2003. Formation qui vient de Californie. Et une pièce tirée de leur troisième album Program to Consume qui est paru le 13 mai 2008 sur Relapse, soit la pièce étant Twilight Fallen, comme je l'ai dit. Formation qui existe quand même depuis pratiquement 15 ans, qui n'ont que 4 albums à leur actif. Je pourrais pas vous dire pourquoi exactement. Ben, au départ, il n'y a qu'un membre original depuis le début, qui est Charles Elliott, guitariste et vocaliste. C'est peut-être le changement d'alignement qui a retardé, voilà, la production studio, sait-on jamais. 19h42, ben, je vais le faire tout de suite, tiens, ça va être fait, parce que la chronique dite cinéma aujourd'hui n'est qu'une chronique série télévisée. De courte durée, mais quand même, dois-je dire, de qualité. Pas nécessairement ma chronique, mais bien le sujet duquel je vais parler. J'ai pas écouté grand-chose de nouveau pour diverses raisons. Il n'y a pas grand-chose de nouveau présentement. Probablement qu'incessamment, je vais me taper Spider-Man Homecoming. Semble-t-il que les chroniques et les critiques sont assez bonnes, quoique moi, j'ai un certain doute qu'on nous change encore Peter Parker, qu'on... Ah, je trouve ça un peu fatiguant. Bon, ah oui, avant de parler de cette série, cette magnifique série, je tiens à vous dire que j'ai une amie qui est allée voir vendredi dernier, à sa sortie, le deuxième chapitre de Kingsman, cette fois-ci de Golden Circle, un film d'action pas mal, oui, à tendance comédie par moment. Et je me rappelle d'avoir apprécié le premier Kingsman, qui était un film d'espionnage, d'action d'espionnage, si on veut, mais très original comment pourrais-je dire, assez rafraîchissant. Semble-t-il que le deuxième volet est très bon. La série dont je vais vous parler, ben, j'en ai fait un petit topo vite fait la semaine dernière, mais je l'ai conclu hier, soit la saison 3 de Narcos, qui est une saison en connotation criminelle, thriller, qui est de Chris Brocanto et Doug Miro, qui met en vedette Damian Alcazar, mais je ne sais pas si je le prononce bien, Pedro Pascal et Michael Staldavid. Pour vous remettre un peu en contexte, c'est la suite de la saison 1 et 2. Jusque-là, c'est assez logique et assez simple à suivre, j'imagine. Oui, d'accord. Sait-on jamais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi. je m'en doutais un petit peu, là, mais... Oui, c'est exprès une autre fois. Les deux premières saisons étaient tout simplement consacrées à une période de la vie du narcotrafiquant Pablo Escobar. Jusqu'à sa mort, finalement, lors d'un raid qui était fait par la DEA et la police de Colombie. Finalement, ça s'est soldé par Pablo Escobar qui s'est fait abattre. Mais là, avec la troisième saison, on trouve évidemment le cartel de Medellín dont Escobar était le meneur, n'existe plus. Maintenant, on se tourne vers le cartel de... j'ai un blanc de mémoire, je l'avais il y a 30 secondes dans la tête, de Cali, voici, qui était, les ennemis jurés, si on veut, de Escobar, menés par principalement 4 personnages qui sont les frères, je ne sais plus, là, j'ai un blanc de mémoire encore, c'est des noms à connotation espagnole, puis espagnol et moi, ça fait pas nécessairement bien bon ménage, là. Je parle au niveau linguistique, bien sûr, deux autres personnages qui sont secondaires, mais assez importants, et qui forment une espèce de consortium, si on veut, sur, qui ont main basse sur le trafic de plus de 80% d'approvisionnement mondial à cocaïne. Je pense que ça peut être assez lucratif, j'imagine. Et bien sûr, l'agent Javier Peña, qui, lui, on le retrouvait dans les deux premières saisons, son but, c'est ne pas simplement d'avoir mis à terre un des plus importants cartels qui est Medellín, mais bien de remettre à terre le deuxième plus important aussi, qui est Cali, dont il s'acharne pour le faire. Et en bon québécois, la rondelle ne roule pas pour lui. Hein? Disons qu'il se heurte à plusieurs obstacles, dont beaucoup de corruption au sein même de la police, bien entendu. Je dis bien entendu, dans le cas présent en Colombie, là. Faudrait pas interpréter mes choses de travers, hein, s'il vous plaît. Mais aussi au niveau du gouvernement colombien, qui même du premier ministre colombien, qui semble être quelqu'un d'assez rigolo, finalement. Bref, c'est vraiment excellent. Je dois vous dire, là, honnêtement, je me suis posé la question après la conclusion hier de cette troisième saison de Narcos. Est-ce que je l'avais préféré aux deux premières? Bon, celle-là, elle était fraîche dans ma tête. Les deux autres, un petit peu moins. Ça a peut-être joué dans la balance, mais je crois que c'est certainement autant et peut-être même un petit peu plus. Très original. Beaucoup d'action par moment et un certain nombre d'actes assez violents, je dois dire, et explicites. Mais quand même, c'est très, très finement amené et c'est un très bon thriller. Donc, Narcos saison 3, moi, je vous le conseille très vivement. Voilà. 19h47, je pense qu'on va continuer cette fois-ci avec un bloc un petit peu plus massacrant cette fois-ci. Un bloc qui est vraiment très, très, très death metal. Ben, en fait, même en crescendo, là, brutal death metal. Je sais pas pourquoi je passe ça. Moi, c'est de la musique très violente, pourtant. Ben, voilà, c'est pour ça que je la passe. On va entendre des formations et Eternal. Ça, c'est pas reposant. On va entendre... Ben, j'ai pas choisi la pire, faut dire. Hour of Penance, ça, c'est vraiment excellent. C'est pas reposant non plus, mais tout de suite tiré de leur plus récent album Beast Incarnate de 2007 de Malte. Beheaded. Ring of the Endless King. Let's go! We'll be right back. require several of your lifetimes to master our gifts. Go! Ouais, ben, on pourra dire que, en parlant d'Eight Eternal, c'est assez précurseur pour un groupe de 1968, n'est-ce pas? Mais je te l'avais dit que ça va pas d'allure de dire ça non plus. Alors, c'est 2008. L'album Pure in Flames, leur quatrième, paru le 18 février 2008 sur Metal Blade. La pièce Bringer of Storm. Fury and Flames, ben, bien sûr, c'est Eight Eternal, qui est le projet d'Eric Rutan. Eric Rutan, qui, en plus d'être un musicien, comme vous avez peut-être pu l'entendre, quoique c'est pas toujours évident, ben, moi, j'aime beaucoup, là, est aussi un producteur audio qui a enregistré et produit pas mal de groupes métal. Et on l'aura vu dans une courte période aussi avec Morbid Angel, formation de Floride, bien entendu. Ben, je dis bien entendu, j'ai rien d'évident là-dedans, quoique Florida is home of death metal, semble-t-il, mais en tout cas. Juste avant, de Rome, Hour of Penance. Excellente formation, Hour of Penance. Formation qui vient de directement de Lazio à Rome. Formation qui existe depuis 1999, qui donne évidemment, comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir, dans cette technical brutal death metal. La pièce était Decimate, The Ancestry of the Only God, qui est paru sur Sedition, le cinquième album paru le 26 mars 2012 sur Prosthetic. Écoutez, moi personnellement, j'aime tout ce qu'ils ont fait, là, c'est-à-dire du premier album Disturbance de 2003, aller jusque Cast the First Stone, dernier paru cette année, un peu plus tôt en 2017. J'aime tous leurs albums. Et on a ouvert avec Beheaded, formation de... Qu'est-ce que c'est ça, cette espèce de maringouin, là? Formation de Malte, l'île de Malte, et la pièce Reign of the Headless King, qu'on trouve sur leur cinquième album et dernière parution en ligne, soit du 27 janvier dernier sur Unique Leader, Beast Incarnate. Excellent album de death metal. Honnêtement, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, là, le death metal qui vient d'Italie et autour, là, c'est très, très, très puissant depuis quelques années. Là. Ils sortent des trucs, là, wow! Pour moi, c'est pas mal les leaders, là, présentement. En tout cas, ils se démarquent énormément. Formation qui existe, Beheaded, depuis 1991, mais qui n'ont quand même que 5 albums. Donc, encore ici, ben, un EP, là. Mini-album, si vous préférez, en 2000, soit Resurgence of Oblivion. Ah, justement, on va parler des autres dans pas long. Je m'explique tout le temps un peu difficilement qu'est-ce qui fait qu'une formation existe depuis tant d'années et aura produit aussi peu d'albums. Je reviens toujours à peu près à la même conclusion qui est, ouais, ça doit pas être toujours évident de pouvoir se faire signer sur une étiquette, un label, si vous préférez, et d'avoir de la distribution. Quoique, si je regarde en tant que tel Beast Incarnate, c'est Unique Leader Records qui prend de plus en plus de place sur le marché du métal, oui, mais c'est pas un Metal Blade, c'est pas un Century Media, pis c'est pas non plus un Relapse, ce qui veut dire que ça doit pas être facile. Aujourd'hui, ben, tout le monde enregistre leur album seul, avec leur propre studio maison, et le distribue comme ils peuvent. Ben, c'est justement comme ils le peuvent, ce qui veut dire que l'exposure est pas toujours de grande échelle non plus. Mais c'est toute une question philosophique, ça. Hein? Donc, c'était ce troisième bloc de réanimation. Assez death metal, merci. On va maintenant passer à... l'album marquant du mois, puis c'est la dernière épisode, c'est quasiment un téléroman, la dernière émission de réanimation du mois, comme se veut la tradition depuis un certain nombre d'années, ben, chaque dernière émission du mois, je présente un album qui a été marquant, pas nécessairement pour vous, les auditeurs, ou toi, l'auditeur, je sais pas comment vous êtes, là, c'est pas sûr qu'il y en a pas énormément, mais en tout cas, j'en ai toujours un ici, là. T'es un peu fatigant, malgré. Il est fidèle. Donc, comme je le disais, c'est un album qui était marquant pour moi dans mes écoutes d'albums métal au fil des décennies. Oui, parce que ça ne le cachera pas, ça fait longtemps j'en écoute, là. Et qui auront été soit des albums qui, oui, m'auront marqué sur le moment, mais principalement des albums vers lesquels je me retourne encore. Ce qui veut dire que soit j'en programme bien sûr à l'émission ici, mais que pour les écoutes personnelles que je fais très régulièrement, pardon, ou pas du tout, non. Ce sont des groupes ou des artistes que j'aime réentendre. Et ce soir, je le fais pour Oblivion, cette formation de Longueuil, Montréal, en fait du Québec, qui a vu le jour en 1987 et sous le nom d'Oblivion, mais à l'époque, il écrivait avec un V-I-O-N. J'avais parlé à l'époque avec Pierre Rimiard, il m'avait expliqué que ils avaient dû changer l'orthographe du nom parce qu'il y avait déjà un groupe qui existait sous le nom de Oblivion. Donc, ils ont opté pour Oblivion avec un E à la place du I, ce qui, rapidement dit, n'a à peu près pas de différence. Donc, une formation qui existe depuis 1987, qui est active jusqu'en 2002. Il y a eu une pause de 6 ans entre 2002 et 2008, et encore une autre pause de 6 ans, 2008 et 2014. Depuis 2014, ils seraient actifs. Par contre, est-ce que... Non, il n'y a évidemment pas de nouveaux enregistrements qui ont été faits de la part d'Oblivion. On parle d'activité principalement au niveau de la scène. Je présume que c'est sporadique, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu plaisir de les voir une fois au défunt Medley, si je ne m'abuse, et j'avais trouvé le spectacle fort bon, voilà. Très professionnel comme groupe québécois, Oblivion. C'est un groupe qui a même été très original, qui donne dans... Ben, en fait... Cybermétal, si on veut, d'une certaine façon. Un peu précurseur, peut-être, dans ce mouvement-là. Je vous propose ce soir d'écouter 5 pièces qui seraient approximativement la moitié de l'album Cyber Void, leur 3e qui est paru en 1995 sur ASA. On va entendre des pièces titre Cyber Void, Downward, Perihelion, Android Succubus et Sequels. Voici Oblivion. Let's go! Salut, ici Pierre Rémiard de Oblivion. Vous êtes sur les ondes de CFOU 89,1 FM à Trois-Rivières. Just another fantasy. illusions. You believe in all, but you want to deny. Lost in your illusions, reality goes downward into the grips of fate. All the revolutions of humanity will never really help your fate. living mind. Il est 20h34. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Avant cette pause publicitaire, on a entendu 5 pièces tirées du troisième album des Québécois Oblivion, soit Cyber Void, qui est paru en 1995. Est-ce que j'ai la date exacte? Je vais aller vérifier. Non. C'est en 95, je peux pas vous en dire plus. J'ai pas pensé d'aller faire une recherche plus exhaustive sous étiquette ASA. On vient d'entendre la pièce Sequels. Et dans cette pièce-là, c'était... comment pourrais-je dire? On peut faire certains parallèles à certains moments au niveau des sonorités avec ce que Fear Factory sont devenus avec le temps. Un petit peu plus synthétisé, si on veut, électronique. Moi, je trouve que... Oblivion se débrouillait très bien, en fait, dans ce qu'il faisait. Juste avant, nous avions Android Succubus, une de mes préférées du groupe, qui est la quatrième de l'album, Perry Alien, précédée de Downward, excellente pièce aussi. Et en ouverture, la pièce titre, Cyber Void. Oblivion, c'est Stéphane Picard à la basse, Martin Gagné à la guitare, Alain Demers à la batterie, Pierre Émillard à la guitare également, ainsi que Bruno Bernier au vocal. Bruno Bernier, oui c'est ça, Bruno Bernier au vocal, voilà. Qui aura succédé d'une certaine façon à Stéphane Picard au vocal, qui initialement, ben c'est un quintet maintenant, mais c'était un quatuor à l'époque. C'est vraiment un des beaux, je dirais, des beaux fleurons du métal québécois, Oblivion. Et je ne connais pas les projets des membres du groupe en tant que tel, mais je trouverais fort intéressant qu'ils nous ramènent un nouvel album, parce que le dernier en liste date quand même de 99, Carnivore Motormouth, que j'avais trouvé excellent aussi. Il y a eu une compilation, ça reparaît en 2002, Greatest Pits, qui était paru sous étiquette Great White North Records, une étiquette montréalais. Je me demande si ça existe toujours, ça va falloir que j'y vérifie. De toute manière, ce vendredi, ici même à C'est Fou, 89.1 FM, ou c'estfou.ca, comme vous le voulez, c'est la traditionnelle émission rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Et cette semaine, comme à l'habitude depuis un certain bout de temps, le Rockmaster fera cavalier seul, puisque je ne peux être là qu'une fois sur deux. Mais dans mon cas, c'est amplement, là. C'est 6 heures à l'endurer, lui-là. Là. Donc, cette semaine, le Rockmaster va vous proposer, je ne sais pas quoi, mais c'est certain qu'il y aura une émission, entre guillemets, dite régulière, mais avec les segments des albums classiques et des groupes obscurs, ça c'est certain. Donc, c'est de 11h à 17h, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Aussi, l'émission métal de notre ami DJ Tower of Death, Subversion, qui prend place tous les vendredis dès 18h30 sur Underground Québec et qui... Tu me maringouillais l'enfer. Qui reprend place aussi sur SoundCloud, en balado-diffusion, en podcast. Généralement le soir même. Là, donc, vous pouvez l'écouter assez facilement, à peu près n'importe où. Aussi, le blog de notre ami Sinistros, mon ancien co-animateur, ce Sinistros, ce gobelin pestilentiel, et son blog hurlemort.com, sur lequel il nous fait des chroniques musicales, bien entendu. Probablement plus large que celle que je fais, parce que celle de réanimation, je me restreins pas mal à ce qui est métal ou ce qui est vraiment issu directement autour du métal, alors que Sinistros va même se permettre d'aller dans le rock, d'aller dans des choses plus larges, comme je le disais, l'industriel, ainsi de suite. Bon, bref, ainsi que ses chroniques au niveau de ce qu'il aurait aimé au niveau de séries télévisées et cinéma, un peu l'essor de ce que je fais sur réanimationad.com. Plug. D'ailleurs, les balados de diffusion de réanimation sont disponibles sur réanimationad.com dans la section podcast. Et vous retrouverez, je dis généralement, actuellement, ce n'est pas encore le cas pour une simple et unique raison, c'est que ce n'est que la troisième semaine que j'ai recommencé, donc vous pouvez aller rechercher jusqu'à présent l'émission du 12 septembre, du 19 septembre, ainsi que encore disponible la deuxième, troisième, quatrième et cinquième capsule hors série que j'avais produite cet été pour mettre directement en ligne pour vous faire patienter le retour de réanimation. Donc, c'était évidemment des capsules qui duraient autour de 35 et 45 minutes qui étaient spécialement conçues pour présenter des nouveautés. Donc, ceci étant dit, on va retourner en musique cette fois-ci avec formation qui vient du Texas. Formation qui donne dans un trash metal la connotation crossover, formation Power Trip, qui existe depuis 2008 et qui en était cette année, en 2017, à leur deuxième album, Nightmare Logic, qui est paru le 24 février dernier sur Southern Lord Recordings. Si on dit souvent du trash metal qu'il est usé à la corde, ben c'est vrai, généralement parlant. C'est très, très, très, très redondant. Par contre, il y a encore certains noms qui réussissent à tirer le épingle du jeu et à nous amener une musique un petit peu, je dirais, originale dans le style, si on peut le dire ainsi. Et Power Trip, selon moi, en font partie. Donc, let's go! Go! ever invite a vampire into your house, you silly boy? It renders you powerless. Stars! 20h53, l'émission s'achève. On vient d'entendre la formation suédoise Witchery, la pièce Antitombs, qui est tirée de leur avant-dernière... Actuellement, c'est encore le dernier, Innis Infernal Majesty Survives, qui est paru le 25 novembre 2016 sur Century Media, leur sixième. Très bon album. Et le 10 novembre prochain, le nouvel album de Witchery, I Am Legion, sera disponible. Juste avant, nous avions Vampire... C'est une formation Vampire que j'ai découvert un peu plus tôt cette année, formation de Gothenburg en Suède, formation qui donne dans un trash... oui, c'est relativement mélodique, effectivement, mais c'est un peu comme je l'ai déjà dit, je pense, de style transylvanien. Vampire et la pièce Knights of the Burning Crypt, pièce d'ouverture... Excusez, c'est la deuxième pièce qu'on retrouve sur Primeval Force, qui était leur deuxième, paru le 21 avril dernier sur Century Media. Nous avons ouvert avec Power Trip, formation du Texas, formation qui est dans un trash crossover... Très bon. Album Nightmare Logic, leur deuxième, si je ne m'abuse. Je dirais-tu encore n'importe quoi, moi, là, là? Ça m'arrive à l'occasion. C'est leur deuxième, effectivement, qui est paru... de 2017, évidemment, mais c'est le 24 février dernier, voilà. La pièce est Executioner's Tax Swing the Axe. Swing of the Axe. Les gens en matière noire s'en viennent, d'ailleurs, sont à la porte, ils attendent. On a le temps de se laisser avec une dernière pièce de la formation Doom, Dope Lord, l'excellent Scum Priest, tiré de Children of Haze, leur troisième paru le 16 janvier dernier sur Green Plague Record. La semaine prochaine, je vous proposerai, entre autres, ça va être une émission dite régulière, mais je vous proposerai une incursion dans le dernier album de la formation de Gatineau, Insurrection ou Insurrection. Et leur dernier album apparaît le 6 octobre, Extraction, leur quatrième, mais moi je l'ai déjà. Donc, d'ici là, eh bien, allez tous vous faire foutre, see you.